Kid les basses avec les... Salut Martin. Thank you. la fin, il y a un final. Batterie là qui m'a filé là. Sur la première mesure. Thank you. J'essaye de faire des trucs. Allez, là, hein. C'est pas carré, ça. podcast. Parti sur carré. Bière naturelle. fatigué, Abs le batteur. Oh le batteur, arrête-toi. Thank you. feu vert, vous pouvez y aller. On reprend sur le 1. 1, 2, 3, 4.

manger.